C'est toujours un pour le savoir, deux pour le progrès. Je suis au service des miens, tu le sais, qu'importe le succès, je suis trop vrai. Je ne rappe qu'avec sincérité. Je suis Kerry James et je représente toujours les minorités. Et ce même si ça doit me coûter cher, ma carrière ou ma chair, je représente ceux qui veulent nettoyer au car cher. Je suis décidé jusqu'à ce que la mort me fasse taire. Je défends mes idées, je fais du rap contestataire. Yeah. Je représente les familles nombreuses que le besoin réveille pendant que les tâches chantent des berceuses. Le fossé est trop grand entre le peuple et ses dirigeants, car peu d'entre eux ont grandi sans argent. Ce sera toujours les mêmes peines, tant que les mêmes supporteront les mêmes peines, tant que les mêmes perdent ce que les mêmes prennent. Si tu ignores qui je suis, je me présente. Mon nom est Kerry James, je représente 9-4 mafia qu'un fric. Je représente 2001 sous Orly. Je représente pour tous les frères en son prix. Je représente pour ceux issus de la Serbie. Je représente, c'est toujours un pour le progrès. Je représente jamais, jamais sans le respect. Je représente 9-4 mafia qu'un fric. Je représente, mon nom est Kerry James, je me présente. Derrière chaque thug, y'a une femme. Je représente les sœurs qui stressent face à la vie comme des montagnes. Soutiennent un père, un frère ou un mari en prison, fidèles parce qu'elles n'aiment pas qu'une saison. Je représente celles qui élèvent leurs gosses seules, paient le loyer seules, pleurent à se noyer seules. J'aime les voir prendre de l'altitude. Je représente les sœurs qui poursuivent des études, même celles incarcérées, le cœur lacéré, le poing serré. Vous aussi, je vous représente, qu'ils en fassent une polémique, mais je reste intègre, acerbe. Je représente les sœurs qui portent leur hijab. Au fait, ma vérité n'est pas à vendre, c'est à laisser ou à prendre. Toujours pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Avec ou sans victoire de la musique, je me présente. Je suis Kerry James le mélancolique, je représente 9-4 mafia qu'un fric. Je représente 2001 sous Orly. Je représente pour tous les frères en son prix. Je représente pour ceux issus de la Serbie. Je représente, c'est toujours un pour le progrès. Je représente jamais, jamais sans le respect. Je représente 9-4 mafia qu'un fric. Je représente, mon nom est Kerry James, je me présente. Je représente les mecs de cité, jamais sans le respect, jamais sans la véracité, ceux que les clubs interpellent parce qu'ils ont l'aspect du suspect. La misère a un visage, une plaque et une identité. Même ceux qui trichent pour se venger, trafiquent pour manger, refusent de vendre de l'héros et au fond voudraient se ranger. Je n'approuve pas mais comprends, je l'ai fait en montant. Je sais que le crime ne paie pas, donc je représente le changement. Je représente les frères en marche vers la réussite. Leur succès me rend fier, c'est pourquoi je les félicite. Je représente les black entrepreneurs comme Dia et tous les banlieusards instruits qui font mentir les médias. C'est ça, hein, mon rap brise des barrières, s'envole vers toutes celles et ceux qui ont plus d'amour que de rage dans les yeux. Qui que tu sois, si t'as du cœur et des principes, je te représente. Mon nom est Kerry James, je me présente. 9-4 mafia qu'un fric. Je représente 2001 sous Orly. Je représente pour tous les frères en son prix. Je représente pour ceux issus de la Serbie. Je représente, c'est toujours un pour le progrès. Je représente jamais, jamais sans le respect. 9-4 mafia qu'un fric. Je représente, mon nom est Kerry James, je me présente. Mon nom est Kerry, mon nom est Kerry James, je me présente. Je représente, je représente 9-4 mafia qu'un fric. Je représente, je représente.